jette une bouffée d'air pur sur le rap français. On lui donne un second souffle quand personne n'y pensait. C'est la relève. Notre rap est une science avec nos textes conscients et imprégnés de sens. C'est le 8-9 qui te parle, non, ne quitte pas, reste à l'écoute. Et si tu kiffes quelques petits pas par passion, on prend le flambeau et la relève. On a bien appris nos leçons et maintenant c'est l'élève qui dépasse le maître. On maîtrise le rap et il faut qu'on s'en serve avant que la mort nous frappe. Dans nos textes, on parle pas de thune ou de pute, de drogue, d'histoire de cul ou de champagne dans une flûte. Y'a un but, c'est faire passer un message. Pourquoi parler d'une pute qui nous fait un massage? M6, vous tuez le rap avec vos bêtises, tout dit incise, observez la maîtrise. Yeah. Qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce second souffle. Et même si on a la mort, c'est Nix et Flex qui assure la relève. Qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce second souffle. Et même si on a la mort, c'est Nix et Flex qui assure la relève. Je m'impose 12, c'est le une pour ma sauce grain. L'umbé est là, a fait effet sur le Shukuya. Grave, ça flic comme malin le coup. T'es que tout ça, mougle les bits comme un mougle l'ego. C'est signé B, le M, le B, le E, de Nyatabuna, Enoch. Il te dit 100% Congo, Weston, Croco, ou micro, un négro qui bouffe des chocos. Je porte bandeau, mais je suis pas Rambo. Négro n'aie pas peur, je ne suis qu'un rappeur. Faya en Himalaya, parfumé au mec comme Maya la paye. J'ai fait pipi, au lit pour toi ma chérie. Je t'ai ramené une souris pour compléter le riz. Tu es ma bitch avec qui on va à sens, bitch. Yo yo, un Netflix, tout dit Nox, yeah. Ah, qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce gorsou. Et même si on a la mort, c'est Netflix qui assure la relève. Qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce gorsou. Et même si on a la mort, c'est Nix et Flex qui assure la relève. Second sous, c'est le thème. Tout Jeep pour emblème. Mon rap, je le sème. Tu vois un texte sans problème. Je ramène un nouveau style, mais je reste toujours hostile. Hostile, oublié en mic, je reste toujours agile. Fragile, jamais je l'étais même face au missile. Imbécile, fais pas ton concert dans ma ville où je suis en asile. Les rages, je veux que j'exile. T'as vu mon profil, un caractère de reptile. Trop de style, j'enfile, trop de sex appeal. M'appelle pas quand ta meuf mange, je tapine. Pour que ça pine, on est sapé. Me stopper, personne pourra car je suis dopé. Trop de flow, trop de go, kiff sur mon ego. Leur super héros, Othello, je suis leur bello. D'ici Trocadéro, trop de bitch font les taspés. Respect, mais vous ne faites pas me fantasmer. Qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce gonsou. Et même si on a la mort, c'est Nix et Flex qui assure la relève. Qui a cru que le rap était mort? Pas nous. Tout dit plus important, ce gonsou. Même si on a la mort, c'est Nix et Flex qui assure la relève.